Très bien, alors on va le faire après, après le kiki, enfin je veux dire le, la chronique de Gilles, puisque Gilles, tu vas nous proposer un kiki l'a vu. Exactement, chaque semaine, comme toutes les semaines. Voilà, chaque semaine Gilles nous parle d'un film rare, très rare ou carrément inconnu, que lui seul a vu en c'est général. C'est ça, en général, oui. Non, là il y en a 87 000 quand même, c'est quand même pas ah, mal. Ah, bien ça. Donc il s'agit des Naufragés de l'île de la Tortue, donc un film de Jacques Rosier, un auteur bien à part, mais qui a su réunir ici un casting 4 étoiles avec notamment Pierre Richard, Jacques Villeray, Maurice Rich, Jean-François Balmer et Patrick Chenet. C'est sorti le 6 octobre 1976 et comme je vous disais, ça a fait 87 000 entrées au box-office France. Qui l'a vu autour de la table ? Eh bien, pas moi. Figure-toi que personne. Personne. Bon, bah, ça tombe bien du coup, je vais vous en parler. Donc, Parce que si on l'avait vu, on annulait la chronique. Non, oui, sinon il n'y a aucun intérêt. Tout le monde, bah, bon c'est ça, oui, non mais voilà. Bon, je vais essayer, tiens, une fois. Ouais. On a fait une très connue et comme ça ira plus Star vite. Star Wars, bon allez. C'est ça. Lequel ? Donc c'est un petit peu entre Lost et Koh-Lanta hein, avant l'heure. Donc l'histoire, un agent de voyage met sur pied une opération intitulée Robinson Crusoe. Son idée, proposer des vacances en mode survivant. Un essai a lieu dans les Antilles, mais le périple vire au fiasco. Je vous propose d'écouter un petit extrait. Au nom de la République, l'esclavage sera aboli. Le droit de vote sera reconnu à tous et tous auront droit à la sécurité sociale. Nous construirons des routes, des hôpitaux, des écoles, des hôtels, des marinas, des pizzerias, des drugstores et puis des aéroports grâce auxquels nous déverserons des touristes par charters entiers. Et ainsi, nous réaliserons de substantiels bénéfices. Profitables à tous, naturellement, car il est évident que chacun peut investir librement ses capitaux. Vive la République ! Vive oh là, la République ! Ça réveille d'un coup, voilà. Alors que doit-on en penser ? En 1976, Pierre Richard est déjà une grande vedette grâce aux différents succès rencontrés par le distrait, Les Malheurs d'Alfred de lui-même, Le Grand Blond avec une chaussure noire et Le Retour du Grand Blond d'Yves Robert, La Moutarde me montonnait et La Course à l'échalote de Claude Zidi. De cet état joyeux naît cependant une sévère frustration. Le comédien se remet sérieusement en question, peiné de se voir considéré comme un vulgaire petit rigolo par Télérama, Les Cahiers du Cinéma et consorts. Ainsi, lorsque Jacques Rosier lui soumet l'idée des Naufragés de l'île de la Tortue, Pierre Richard flaire là une solide opportunité. Celle d'un vrai renouveau doublé d'un virage à 180 degrés, et ce après deux tentatives ratées si l'on en juge par la réception très timide des spectateurs, celle de Juliette et Juliette de Remo Forlani, 780 000 entrées, et d'Un nuage entre les dents de Marco Picot, 220 000, tous deux sortis en 1974. Le projet des Naufragés est accepté d'autant plus vite que Pierre Richard et Rosier se connaissent bien, depuis qu'ils ont travaillé ensemble sur un court-métrage datant de 1965, Ni figue ni raisin, avec Victor Lanoux. Les Naufragés de l'île de la Tortue, c'est à voir et à revoir, ne serait-ce que parce qu'il s'agit d'abord d'une aventure humaine à part entière, et cela se ressent à l'écran. Le cinéaste Rosier se caractérise par un sens de la déroute complet, généralement incompatible avec le monde du 7e art. Le producteur Claude Berry, avec qui il travaille, dit d'ailleurs de lui, en évoquant leur expérience commune, on ne sait pas quand on commence et encore moins quand ça finit. Pierre Richard ne se démonte pas pour si peu, accepte les 15 pages de scénario développés jusqu'alors et s'embarque tout aussitôt en compagnie d'une équipe réduite, direction la Guadeloupe et la République Dominicaine. Sur place, le réalisateur ne faillit pas à sa réputation, il écrit au jour le jour, observe ses acteurs, s'en inspire et les pousse parfois à bout. Il arrive que d'un décor à un autre, 5 heures de trajet soient nécessaires, même s'il ne s'agit que de tourner 2 minutes de film montre en main. Une méthode déstabilisante, mais dont résultent des images éblouissantes, un sens du cadrage et de la mise en scène tout bonnement remarquable, sans perdre de vue cette qualité de jeu ou des moments de vie pris à la volée façon Lelouch, d'un niveau pointu qu'aucun des intervenants ne parvient à réitérer ensuite, particulièrement dans ce registre-là. Pierre Richard détruit ici sa figure de doux poète, rêveur et maladroit, en personnifiant avec passion le baroudeur fou. Jacques Villeray bouleverse par son innocence du terrain, on le sent perdu tant par les conditions de travail que par le métier de comédien qu'il débute à peine. On y croise aussi Patrick Chenet dont c'est la première apparition sur grand écran. Quant à Maurice Rich, retenu à Paris, il ne fait que passer, laissant simplement à Rosier le court loisir de s'amuser de sa ressemblance avec Villeray. Il est vrai qu'on les confond beaucoup à l'époque. D'un montage de 3 heures refusé partout, y compris à Cannes, Rosier achève finalement son director's cut aux alentours de 120 minutes, bénéfice d'une post-production de 2 ans. Les critiques approuvent, pas le public, échec retentissant en salle, et avec le temps un oubli presque général, malgré la popularité de son casting, un des plus gros naufrages du cinéma français, définitivement injuste. Oh la vache, les pauvres. Ouais. Ça vous fait de la peine à chaque fois. Bah oui, c'est ça, oui. C'est un rapport avec Lost en plus. Ouais. Bah oui, ouais. Voilà. C'était bien tombé. Une île perdue, la Guadeloupe. Voilà, il n'y a pas de crash d'avion. pardon, mais voilà, c'est volontaire, c'est un crash volontaire, mais crash, ça vire au fiasco quand même. Mais qui vous dit que le crash de Lost n'est pas volontaire? Vous n'avez pas vu la série. Il faut regarder Lost et après les naufragés. Tu sais où le film a été tourné? Tu l'as dit peut-être? Oui, en Guadeloupe et en République dominicaine. Au moins, ils ont passé. Ils ont pris des vacances. Oui, voilà, voilà. Pierre Richard, il a accepté pour ça. Est-ce qu'on peut le retrouver en DVD? Oui, il existe aux éditions Arcade Vidéo. D'accord, très bien. Voilà. Tu le veux, Thibaut? Bah, je veux bien, moi j'adore Pierre Richard. Voilà. Ah, c'est un Pierre Richard un peu différent, donc, comme je l'ai dit. Mais intéressant. Merci Gilles. Mais de rien.